bien, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fadjet avec ce numéro spécial de la boîte à BO consacré aux séries TV. Avec comme chaque semaine, donc une émission co-animée avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, que peux-tu nous dire sur le contenu de cette émission ? Eh bien, nous allons vous proposer une première sélection des génériques des séries qui se sont succédées des années 70 à nos jours. Le choix a été difficile, Jérôme, mais je pense que nous avons effectué une belle sélection. Eh bien, parfait, Francine. Sans plus tarder, voici donc ce numéro spécial Série TV. Et merci de rester fidèle à Radio Fadjet. Alors, commençons cette émission par les années 70. Alors, Francine, si je te dis Jem West, tu me réponds ? Les Mystères de l'Ouest, évidemment. Eh oui, Les Mystères de l'Ouest, qui est une série télévisée américaine de 104 épisodes, d'abord en noir et blanc. La série donc est tournée en couleur à partir de la deuxième saison en 1966. Alors, en France, la série est diffusée à partir donc de 1967 sous la deuxième chaîne de l'ORTF, c'est-à-dire Antenne 2, mais connaît un véritable succès grâce à sa rediffusion dans l'émission La Une est à vous sur TF1 en 1973. Alors la série apparaît sur les écrans à un moment où les séries de western sont moins en vogue, contrairement aux séries d'espionnage qui sont alors en plein essor. Et cette série met en scène les aventures de deux agents secrets de l'United States Service, au service donc du président des États-Unis, d'un côté Jem West, un homme d'action, et de l'autre côté Artemus Gordon, un as du déguisement et des inventions anachronique. Se déplaçant tantôt à cheval, tantôt dans leurs luxueux trains à vapeur privés, les deux compères affrontent des adversaires hors du commun dans tout l'Ouest américain. Et Francine te souvient certainement de l'acteur qui a interprété Jem West. Et bien évidemment, le beau Robert Conrad. Mais oui. Et Jérôme, as-tu remarqué aussi que tous les épisodes des Mystères de l'Ouest se passaient tout ou partie la nuit ? Un petit indice se glissait dans le titre de tous les épisodes qui commençaient systématiquement par la nuit. Ah bah écoute, j'étais un grand fan de cette série quand j'étais plus jeune, mais je ne me souvenais pas de ce détail. Hein. Alors la BO est signée donc Richard Markovitch, qui est un compositeur américain de musique de film qui a été décédé en 1994. Allez, sans plus attendre, on retrouve donc cette très célèbre BO de la série Les Mystères de l'Ouest. Thank you. autre série à succès dans les années 70, Amicalement Vôtre, qui est une série télévisée britannique. Elle met en vedette Roger Moore dans le rôle de Lord Brett Sinclair et Tony Curtis dans celui de Daniel Wilde. Alors Roger Moore et Tony Curtis avaient signé un contrat de 5 ans, mais la série n'a duré qu'une saison avec 24 épisodes. Mais en dépit de cette unique saison, Amicalement Vôtre va rester une série culte. Oui, surprenant Francine, mais l'annulation d'Amicalement Vôtre a permis un an après à Roger Moore d'endosser pour la première fois le costume de James Bond dans le film Vivre et laisser mourir. Et à l'opposé, quelques années plus tard, le contrat liant Pierce Brosnan à la série Remington Steele l'empêcha momentanément de devenir à son tour le célèbre agent 007. Alors que bien souvent, le doublage est accusé d'appauvrir la version originale, celui d'Amicalement Vôtre est carrément devenu culte en apportant une note d'humour et du second degré à une série qui en contenait déjà beaucoup. Alors en version française, Tony Curtis était doublé par Michel Roux et Roger Moore par Claude Bertrand. Alors Jérôme, un des points forts d'Amicalement Vôtre est son générique, tant par son esthétique que par son thème musical. Ce dernier a été écrit par John Barry, le compositeur du mythique thème de James Bond. Retrouvons donc tout de suite le générique d'Amicalement Vôtre. Voilà, après le générique d'Amicalement Vôtre, passons aux années 80 avec bien évidemment la série Magnum, qui est une série télévisée américaine de 162 épisodes diffusée à partir de 1981 en France dans le cadre de l'émission Dimanche Martin sur Antenne 2. Alors ancien combattant de la guerre du Vietnam puis lieutenant dans l'Office of Naval Intelligence, Thomas Sullivan Magnum s'occupe désormais de la sécurité d'une des propriétés du célèbre écrivain de polar, Robin Masters. Et c'est à la suite d'un pari perdu que l'auteur à succès a laissé à Magnum la jouissance de sa maison d'amis et de sa Ferrari à la condition qu'il assure la sécurité de sa résidence. Et en acceptant de devenir Magnum, Tom Selleck a dû signer une clause d'exclusivité. C'est pourquoi il n'a pas pu accepter le rôle d'Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, alors que Steven Spielberg et George Lucas l'avait trouvé très convaincant lors des essais. Bah en effet, donc Tom Selleck a dû en effet le regretter. Alors comme dans Amicalement Vôtre, le doublage de la série en France est très réussi. Hein. Magnum est doublé en effet par le comédien Francis Lax qui double également Harrison Ford et dont la voix très caractéristique apporte une subtilité comique au personnage qui a largement contribué au succès de la série en France. Alors c'est Mike Post qui a signé la musique du générique. Mike Post est considéré comme l'un des plus populaires compositeurs de musique de séries télévisées, connu pour être également l'auteur des génériques de l'agence touriste ou New York Unité Spéciale. Allez, sans plus attendre, on retrouve tout de suite le générique de Magnum. Eh bien, restons avec Mike Post, qui est aussi l'auteur du générique de l'Agence Tourisque, une série télévisée américaine en 98 épisodes, diffusée en France à partir de juillet 84 sur TF1. Animal, Barracuda, Looping et Futé sont les vétérans du Vietnam accusés à tort d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Après s'être échappés de prison, ils deviennent des sortes de mercenaires pour les opprimés et se servent de leurs diverses aptitudes pour régler leurs comptes aux bad guys. Et oui, alors donc une particularité de cette série, par ailleurs très mouvementée, est le fait qu'il n'y avait aucun mort. En effet, les méchants se relèvent toujours bien vivants et en bonne santé, peu importe le type d'accident, y compris un crash d'hélicoptère qui est censé être mortel. Alors, en fait, ce procédé a permis à la série d'être classée tout public. Alors, autre anecdote, Jérôme Georges Peppard, donc Hannibal Smith, et Mr. T, donc Barracuda, ne s'entendaient pas du tout parce que Mr. T a volé la vedette à Peppard, qui se sentait lésé parce que c'était lui le vrai acteur. Ça a empiré quand Mr. T a gagné plus d'argent que Peppard. Du coup, Peppard a fini par refuser de parler directement à Mr. T. Alors, revenons à l'essentiel et retrouvons maintenant le générique de la série signé Mike Post. Voilà, c'était donc le générique de l'agence Tourisque. Alors maintenant, on va passer donc aux années donc 1990 avec une des séries les plus populaires, Francine. Friends. Eh oui, qui est une sitcom américaine en 10 saisons avec 236 épisodes diffusés en France à partir de 1996. Alors, c'est la première sitcom à avoir mis en scène le quotidien d'une bande de potes. Elle est devenue culte aux États-Unis et a su conquérir le cœur des téléspectateurs à travers le monde. Alors, nombreuses sont les séries qui ont ensuite été créées sur le modèle de Friends, mais rares sont celles qui l'ont égalée. On rêvait tous de faire partie de la bande de Joey, Monica, Chandler, Ross, Rachel et Phoebe. Alors, la série est rythmée également par la venue de beaucoup de guests, Jérôme. Il y a Brad Pitt, par exemple, Julia Roberts, Sean Penn. Et on se souvient aussi de l'acteur Bruce Willis qui incarnait le père d'Elisabeth, la jeune étudiante qui sortait avec Ross. L'intervention de l'acteur s'est faite gratuitement et grâce à un pari passé avec Matthew Perry. Le pari, eh ben, si le film Mon voisin tueur, où apparaissaient les deux acteurs, finissait premier au box-office dès le week-end de sa sortie, eh bien, Bruce Willis devait jouer gratuitement dans Friends. La star a donc perdu son pari et ainsi reversé l'intégralité de son cachet à une association caritative. Voilà, très bien. Alors Francine, on va retrouver donc le générique et plus précisément le morceau I'll Be There For You qui fit office donc de générique de la sitcom. Enregistré dans une première version de 45 secondes, le titre est devenu ensuite culte. Et c'est donc le groupe The Rembrandt qui donc interprète ce morceau et le succès est tel que le groupe groupe dont on se voit offrir la possibilité d'écrire une seconde version beaucoup plus longue qui va être intégrée dans le troisième album du groupe, qui est la bonne idée en fait de ne pas en faire un single. Ainsi, ceux qui veulent avoir la chanson doivent acheter l'album en entier. Sauf que nous, pour les fans de la série, on vous propose donc d'écouter tout de suite cette version longue de ce générique de cette série Friends. Your job's a joke, you broke. Your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Après Friends, on reste toujours dans les années 80, mais avec un tout autre style, c'est donc Alerte à Malibu. Alors cette série, c'était sans aucun doute la série la plus sexy de l'époque, qui va durer 11 saisons. Dans Alerte à Malibu, il y a David Hasselhoff et la très sexy Pamela Anderson, mais aussi des filles qui courent au ralenti, des vagues, des plages. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier Pamela Anderson. Voilà, sans doute. Donc la chanson du générique a été soigneusement choisie, I'm Always Here, de Jimmy Jamison. Ce nom ne vous dit probablement pas grand-chose et pourtant vous le connaissez tous. En fait, il s'agit de l'ancien chanteur du groupe Survivor, connu pour le tube Eyes of the Tiger du film Rocky III. Alors on écoute tout de suite ce générique d'Alerte à Malibu. Voilà, maintenant passons donc, Francine, aux séries des années 2000. Alors, un très grand nombre de séries. Nous en avons choisi deux. Donc, tout d'abord Dexter, puis Game of Thrones. Alors, tout d'abord, donc, la série Dexter, donc spécialiste en hématologie. De jour, Dexter se transforme la nuit, venu en un tueur sanguinaire, froid, méticuleux et imperturbable. Alors, le prénom Dexter veut dire en latin main droite. Il s'agit en fait du complément implicite en latin de main gauche ou encore sinistre, reflétant la fâche cassée, le côté obscur de Dexter. Et en 2010, l'auteur du livre, dont la série est adaptée, Jeff Lindsay, a en effet confirmé que c'était pour cela qu'il avait choisi ce prénom, car il met en avant la normalité en apparence du personnage. Alors Jérôme, une anecdote à te signaler concernant cette série. Michael C. Hall et Jennifer Carpentier étaient frères et sœurs dans la série, mais ils se sont mariés dans la vraie vie en 2008 et ont divorcé en 2010. Alors moi, oui, tout à fait. Donc j'avais effectivement entendu parler de cette romance entre les deux acteurs principaux. Alors après la saison 8, donc Dexter est donc revenu en 2021 pour donner une fin à la série avec donc une saison de 10 nouveaux épisodes. Alors c'est le compositeur donc Daniel Licht qui a écrit à la base, la musique du thème de Dexter. Alors on va tout de suite retrouver donc ce célèbre générique de Dexter. Alors pour les fans de la série, je vous propose donc un deuxième extrait de Dexter et qui va nous plonger dans l'ambiance lugubre de cette série. Alors, terminons par la série Game of Thrones, également appelée Le Trône de Fer, qui est une série télévisée américaine diffusée entre 2011 et 2019. Il s'agit de l'adaptation de la série de romans écrit par George Martin, saga réputée pour son réalisme et par ses nombreuses inspirations tirées d'événements, lieux et personnages historiques réels, tels que la Guerre des Deux Roses, le Mur d'Adrien ou Henri VII Tudor. Alors Francine, au niveau des anecdotes concernant cette série, tout d'abord, c'est la série qui a été la plus piratée de tous les temps. Hein, et d'autre part, en 2015, la série entre dans le livre des records comme étant la série la plus diffusée dans le monde, avec 173 pays. Elle est aussi l'une des séries les plus chères de l'histoire, hein, puisque le budget de la saison 6 était de 100 millions de dollars, soit 10 millions par épisode. Et puis, dernière petite anecdote, parmi tous les personnages, c'est Tyrion qui est le personnage qui apparaît le plus à l'écran. Alors, 1 minute 42, c'est beaucoup pour un générique, mais c'est un réel plaisir que l'on va tout de suite écouter. Et bien voilà, ainsi s'achève ce numéro de la boîte à BO spéciale série. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pris plaisir de réécouter un grand nombre de génériques de ces grandes séries depuis les années 1970. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet. Et puis donc, Francine, on se retrouve comme d'habitude mardi prochain pour une nouvelle émission. Mais oui, Jérôme, à mardi prochain. Et bien donc, d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèles à Radio Fadjet.